Ma machine à écrire. Bien que ma machine à écrire soit un vieux modèle, elle marche tout à fait bien, excepté une ou deux touches. Je souhaite qu'elle marche parfaitement. Il est vrai qu'il y a 41 autres touches qui fonctionnent assez bien, mais une seule touche qui ne fonctionne pas tout à fait. Ça fait la différence. Il me semble qu'une communauté n'est pas bien différente de ma machine à écrire. N'importe qui parmi nous pourrait dire « Ah bien, je ne suis qu'une personne. Ce que je fais ne va ni bâtir ni détruire la communauté. » C'est vrai, mais chacun apporte une différence. Une communauté a besoin de la participation active de chacun de ses membres. Donc, la prochaine fois que vous pensez que vos efforts ne comptent pas, pensez à ma machine à écrire et dites-vous, bien qu'il y ait beaucoup de gens dans la communauté et que les choses pourront être faites sans moi, je dois jouer mon rôle. Je ne serai pas une touche cassée. Les communautés avancent grâce à l'unité d'action. Un progrès est accompli quand tous les membres assument leur part du travail et y contribuent avec leurs talents. Cela s'appelle le principe de participation universelle.